jour, moins les sonnes, la cascade oubaye, moins tonne en t-shirt qui sortit du ciel là. Chercher la saillie, moi ouais, antifon, très joli, qui de moi. Appelle-moi souris, femme, l'on courir descend. Jamais moins bon, loin. Il est moins chéri. Sois à moi pour la vie. À peine moins souris, femme, l'on courir descend. Jamais moins bon, loin. Il est moins chéri. Sois à moi pour la vie. Moi dis c'est en sirène.